Chapitre 6e. Splendeur et misère des Pertuisanes. Sur les flancs ondulés du Perche, non loin de Belém, se dressait le château de la Herse, résidence pluriséculaire de la famille Rondeau de la Modiquière. Avec ses deux tours imposantes, érodées par le souffle du temps, encadrant un corps de bâtiment principal au charme désuet, le domaine semblait tout droit sorti d'un tableau romantique. Ici, la pierre gardait la mémoire d'une noblesse qui, malgré des moyens modestes, s'accrocha à son héritage avec une ténacité admirable. Alors que la Mini Cooper franchissait l'allée de gravier bordée d'herbes folles, Victor, assis côté passager, scrutait le paysage avec une attention presque méditative. Ses yeux glissaient sur les contours du domaine, des murs de pierre tapissés de lierre aux imposantes tours du château, comme s'il cherchait à imprimer chaque détail avant de franchir une étape décisive. À ses côtés, Camille, heureuse de retrouver sa maison d'enfance, ne pouvait ignorer le poids de l'instant. Elle savait que cette rencontre serait jugée par sa famille avec tout le sérieux que la bienséance exigeait. Officiellement, il ne s'agissait que de présenter un ami proche, mais pour ses parents, chaque geste, chaque regard, chaque aspect de leur relation serait inévitablement passé au crible. Camille ignorait toutefois que Victor, bien que calme en apparence, portait une appréhension tout autre. Ce moment n'était pas seulement un rite social pour lui, mais un premier pas vers une demande bien plus personnelle, un acte qu'il avait mûrement réfléchi ces dernières semaines et dont elle ne soupçonnait rien. À peine eurent-ils franchi l'entrée de la cour que des cris gutturaux et des bruits métalliques éclatèrent dans l'air. Victor se redressa, interloqué, alors qu'un spectacle surréaliste se déployait devant eux. Devant les murs de pierre patinés du château, une scène de pur Moyen-Âge prenait vie. Des jeunes, armés d'épées en bois et de boucliers, s'entraînaient sous les directives d'un homme colossal vêtu d'une armure brillante. Le baron Edmond, le Rondeau de la Modiquière, maître des lieux, régnait sur ce chaos organisé avec une autorité évidente. Grand, massif et solidement charpenté, il ressemblait à une figure d'un autre temps, un mélange d'Hercule et de Porthos. Une barbe poivre et sel encadrait un visage rayonnant d'énergie et de passion, tandis qu'il brandissait une épée, une réplique templière, qu'il maniait avec une aisance théâtrale. « Mes chers enfants, » tenait-il en apercevant Camille et Victor, levant son épée dans un salut chevaleresque, il ajouta, son sourire éclatant, « Soyez les bienvenus au château de la Herse, bastion des derniers chevaliers de l'Orne. » Victor resta interdit devant cette entrée en matière, partagé entre amusement et incrédulité. Camille semblait habituée à ses excentricités et se contenta d'un léger sourire tout en coupant le moteur. Avant qu'il n'ait eu le temps de descendre, le baron s'approcha, grandes enjambées, sa stature imposante accentuée par le cliquetis de son armure. « Camille, ma chérie » s'exclama-t-il avec effusion, posant une main large comme abattoir sur l'épaule de sa fille, avant de déposer un baiser paternel sur son front. Puis, se tournant vers Victor, le baron Edmond le Rondeau de la Modiquière lui tendit une poigne vigoureuse qui manqua de broyer les doigts du jeune homme. Victor, en serrant cette main puissante, sentit une chaleur sincère, mais aussi une forme de mise à l'épreuve. Edmond, avec son sourire malicieux, semblait le jauger, tel un chevalier, évoluer un prétendant à sa bannière. Et voici donc le comte d'Avron, lança-t-il avec une emphase solennelle, ses yeux brillants d'un mélange de curiosité et de respect. Permettez-moi de vous accueillir dans notre humble domaine. Il relâcha lentement la main de Victor, marqua une courte pause, puis ajouta avec un sourire à la fois chaleureux et malicieux. Mais puisque nous sommes en famille, ou presque, je me contenterai de Victor. Après tout, vous pourriez presque être mon fils. Ses yeux glissèrent un instant vers Camille, dont le léger sourire trahissait à peine un mélange de gêne et d'amusement. Victor tenta de répondre quelque chose, mais sa voix se perdit dans un éclat de rire collectif. Sur le terrain d'entraînement improvisé, deux jeunes rouquins venaient de livrer un numéro involontairement comique. L'un, armé d'une pertuisane, avait renversé un mannequin de paille dans une manœuvre maladroite, tandis que l'autre, muni d'un arc rudimentaire, décochait une flèche qui atterrit dans un arbre à plusieurs mètres de sa cible. « Mathieu, Mathias !» tonna Edmond en levant les bras au ciel. « Avec vous deux, les seuls qui ne risquent rien, ce sont les ennemis !» Puis se tournant vers Camille et Victor, avec un sourire amusé, il ajouta. mais au moins ils font rire à la ronde. » Les deux jumeaux, rouges de confusion mais toujours joviaux, se tournèrent vers leur mentor avec des expressions contrites. Mathieu, trapu et le visage constellé de taches de rousseur, brandit sa pertuisane comme un trophée, manquant de peu de l'envoyer valser dans les buissons. Mathias, plus élancé, haussa les épaules avec un sourire malicieux, son air légèrement égaré renforçant son charme naturel. Aussi adroit qu'un troupeau de chèvres sur la glace. Mais ils ont du cœur, ça oui, lança le baron Edmond dans un éclat de rire en se tournant vers Victor. Le baron tapota fièrement le blason brodé sur sa côte de maille avant de désigner d'un geste théâtral l'écusson sculpté au-dessus de la grande porte qui dominait la cour. « Regardez, Victor, les armoiries de notre maison. Le bleu pour la fidélité, la herse pour notre rôle de protecteur du perche et trois cercles dorés, un clin d'œil à notre nom, le rondeau, et notre devise, fortiter et prudenter, la force et la prudence. Tout est là. C'est ce qui nous définit depuis toujours. » Puis, s'approchant avec un air complice, il baissa légèrement la voix. « Heureusement qu'il nous reste un peu d'hydromel artisanal pour motiver ces chevaliers en herbe après leurs efforts. L'apiculture, mon cher, mon violon d'Indre, et croyez-moi, cela se marie parfaitement avec l'esprit chevaleresque. » Victor, encore abasourdi par ce qu'il voyait, se força à sourire. Ce lieu, ces personnages, tout cela semblait sorti d'une époque révolue, et pourtant il était impossible de ne pas être fasciné par la vitalité débordante d'Edmond et la sincérité presque enfantine de cette mise en scène médiévale. « Alors, Victor, qu'en dites-vous » demanda le baron, les mains sur les hanches, sa voix tonnant comme une fanfare. « Une armure, un destrier, et vous voilà prêt à conquérir la gloire, non ?» Victor échangea un regard avec Camille, qui semblait s'amuser de son trouble. « Je crois que je vais d'abord observer, si vous permettez, monsieur le baron, » répondit-il finalement, un sourire en coin. La modiquée hocha la tête, visiblement ravie. « Comme vous voudrez, mais méfiez-vous ici, la chevalerie est contagieuse. » Il marqua une pause, un sourire entendu. « D'ailleurs, on m'a soufflé que vous maniez l'épée avec talent. Nous devrions organiser une petite passe d'armes ce week-end, qu'en dites-vous » Victor, pris de court, esquissa un sourire légèrement embarrassé. « Eh bien, je ne suis pas sûr d'être à la hauteur, mais j'accepte volontiers le défi. » Le baron éclata d'un rire franc, posant une main lourde sur son épaule. « Voilà qui est parlé. Nous allons voir si Paris forme encore des bretteurs dignes de ce nom. » Désignant le manoir d'un geste large, le baron déclara. « Allons, entrez donc. Ta mère et ta sœur s'affairent déjà en cuisine. Elles tiennent à vous offrir un repas digne de l'hospitalité de la herse. » Puis il leur fait signe de le suivre. En traversant le grand hall, ils furent enveloppés par l'odeur réconfortante de volailles rôties mêlées à celle du bois ancien. Dans la cuisine, Jeanne, la mère de Camille, concentrée, surveillait la cuisson d'un poulet dodu embroché sur une rôtissoire qui tournait lentement. La chaleur des fourneaux avait rosé ses joues et la baronne jetait des regards réguliers au poulet pour s'assurer de la cuisson parfaite. Voyant entrer Victor pour la première fois, Jeanne, les joues légèrement rosies par la chaleur des fourneaux, s'essuya les mains sur son tablier avant de s'avancer. Son sourire chaleureux mais réservé traduisait l'importance qu'elle accordait à cette première rencontre. Elle n'attendait pas ses convives si tôt et avait été prise au dépourvu, ce qui expliquait pourquoi elle-même, la maîtresse de maison, s'affairait encore en cuisine. « Ah, Victor, soyez le bienvenu à l'Aers. Nous avons tellement entendu parler de vous, » dit-elle, en inclinant légèrement la tête, mêlant politesse et une pointe de curiosité. Puis, avec une fierté discrète mais sincère, elle ajouta « Vous verrez, notre table est modeste, mais chaque plat y est préparé avec cœur. » Pendant ce temps, Adèle, la fille aînée des Châtelains, avait troqué sa robe de bal bleu nuit contre un saillant tablier à fleurs. Concentrée sur son ouvrage, elle disposait avec soin des entremets dans de petits ramequins en grès, ajoutant une touche délicate de fleurs comestibles pour égayer la table. Le contraste entre son élégance naturelle et ses gestes appliqués témoignait d'une volonté d'allier simplicité et raffinement, reflet de l'esprit de la maison. Les présentations faites, le baron Edmond entraîna Victor dans les couloirs sombres et frais du château, l'invitant à découvrir une chambre où il pourrait déposer ses affaires et se rafraîchir. Pendant ce temps, Camille resta dans la cuisine avec sa mère et sa sœur entourée des arômes réconfortants des plats en préparation. Adèle, absorbée par la décoration minutieuse de ses desserts, jetait des regards furtifs à sa cadette. Mi-curieuse, mi-jalouse, elle observait cette sœur, qui semblait avoir trouvé l'oiseau rare avant elle, une situation qu'elle avait du mal à digérer sans une pointe d'amertume. Jeanne, les mains encore légèrement farineuses, tourna son regard bienveillant mais scrutateur vers Camille. Elle essuya son tablier avant de rompre le silence, sa voix douce mais chargée d'un sous-entendu évident. « Alors, ma chérie, ce Victor » laissa-t-elle traîner, attendant que sa fille dévoile ses sentiments. Camille, visiblement émue, s'installa autour de la grande table de la cuisine et répondit d'un ton rêveur, ses joues légèrement rosies. « Il est merveilleux, maman. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Avec lui, tout est différent. » Ses yeux brillaient d'un éclat sincère et il baissa la tête, presque gêné par l'intensité de ses propres mots. Jeanne, attentive, la scruta longuement, pesant la sincérité de ses paroles. « Ce qui compte, Camille, ce n'est pas seulement ce que tu ressens, mais ce qui est solide. Ce garçon peut être charmant, mais les sentiments, tu sais, peuvent être trompeurs. Est-il vraiment prêt à s'engager ? » demanda-t-elle avec un mélange de prudence et de soucis maternels. Avant que Camille n'ait le temps de répondre, Adèle, qui ne pouvait s'empêcher d'intervenir, lança en glissant ramequin sur le plateau, « s'engager. Encore faudra-t-il que notre Camille ne se lasse pas avant, façon amourette de vacances. » Son ton était léger, presque moqueur, mais une pointe de jalousie perçait malgré elle. Camille ne releva pas la pique, se contentant de prendre la main de sa sœur dans un geste complice pour apaiser les tensions. « Ne t'inquiète pas d'elle. C'est différent cette fois. Je sais que j'ai parfois été un peu imprévisible. Mais avec Victor, c'est du sérieux. Je le sens. » Puis, se tournant à nouveau vers sa mère, son regard se fit plus intense. « Et ses intentions sont sincères, maman. Il m'aime, et moi aussi. » Jeanne, rassurée par l'assurance et la douceur dans la voix de sa fille, hocha la tête lentement, un sourire léger adoucissant ses traits. « Si tu en es convaincue, Camille, alors nous verrons. Mais souviens-toi, l'amour, c'est aussi une question de persévérance. » Adèle, de son côté, détourna les yeux et, après un soupir exagéré, murmura de façon à peine audible « Inch'Allah ». La remarque, pourtant discrète, n'échappa pas à Camille, qui secoua légèrement la tête, visiblement agacée. Jeanne, fidèle à sa rigueur maternelle, fronça les sourcils et la rappela à l'ordre d'un ton ferme. « Adèle, voyons !» La salle à manger du château de La Herse, resplendissante pour ce premier dîner familial depuis longtemps, brillait d'un éclat presque sacré. Les murs lambrissés, les chandeliers en bronze diffusaient une lumière tamisée, tandis que les ombres des bougies dansantes semblaient insuffler une douceur solennelle à l'atmosphère. Ce soir, le château, modeste mais fier symbole de noblesse, ouvrait ses bras à la famille réunie et à son invité, Victor, dont la présence réchauffait les cœurs, tout particulièrement celui de Camille, dont les yeux pétillaient d'un bonheur difficile à dissimuler. La grande table, parée de précieuses dentelles d'Alençon soigneusement entretenues par Jeanne, la baronne, trônait au centre de la pièce, impeccablement dressée. Edmond, le baron, installé à son bout de table, orchestrait le repas avec une satisfaction à peine voilée, son sourire rieur trahissant son plaisir. Face à lui, Victor s'efforçait de trouver sa place dans cette ambiance à la fois féerique et empreinte de tradition. Après un apéritif raffiné, un Dom Pérignon sabré avec enthousiasme par Edmond, la conversation s'anima autour de sujets chers à chacun. Le baron évoque avec passion ses abeilles et ses ruches, une activité qui le captivait. Jeanne, de son côté, partageait son amour des roses, détaillant avec fierté les défis surmontés pour obtenir des floraisons éclatantes malgré les caprices du climat. Adèle, la cadette, racontait avec enthousiasme ses escapades à cheval dans les collines environnantes, suscitant des sourires admiratifs. Peu à peu, l'attention se porta sur Victor. Tous, à des degrés divers, semblaient intrigués par cet homme qui occupait une place si particulière dans le cœur de Camille. Edmond, fidèle à sa bienveillance naturelle, brisa la glace avec chaleur. « Alors, Victor, parlez-nous un peu de vos années au MIT. On dirait que c'est un endroit d'une exigence rare. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un ingénieur chimiste formé là-bas. » Le baron hocha lentement la tête, un sourire éclairant son visage buriné, et ajouta avec une pointe de lyrisme « Ah, le MIT !» Vous avez dû apprendre à forger des armes intellectuelles aussi solides que l'acier de Tolède. Mais ici, ce ne sont pas les outils ou les formules qui comptent. C'est le cœur et l'esprit qui forgent les alliances les plus durables. Victor esquissa un sourire, visiblement touché. En effet, c'était exigeant mais aussi incroyablement enrichissant. J'ai eu la chance d'apprendre auprès de brillants esprits dont certains étaient des lauréats du prix Nobel. Ces 5 années aux États-Unis ont été un défi, mais elles resteront inoubliables. Mais je suis si heureux d'être rentré au pays. » À ces mots, il jeta un coup d'œil furtif à Camille, dont les joues s'empourprèrent. Jeanne, toujours attentive au moindre regard échangé, intervint avec un sourire chaleureux. « On m'a dit que Camille avait fait forte impression chez vos parents la semaine dernière. Est-ce vrai, Camille ?» Surprise, Camille hocha la tête avec un sourire timide, tandis que Victor ajoutait avec malice « Oh oui, même mon père, qui n'est pourtant pas avare de critiques, a été conquis. Il m'a confié qu'il ne pensait pas que je pouvais avoir aussi bon goût. Et Camille aussi mauvais. » Un éclat de rire général balaya les dernières traces de tension. L'atmosphère, déjà joyeuse, devint encore plus décontractée. Sentant le moment propice, Victor posa sa serviette et le visage empreint de sérieux s'adressa directement au baron. « Monsieur le baron, il y a une chose importante que je souhaiterais aborder avec vous ce soir. » Un silence respectueux s'installa, tandis que tous les regards se tournaient vers Victor. Inspirant profondément, il redressa légèrement les épaules, posant ses mains sur la table comme pour ancrer ses paroles. « Monsieur le baron, madame la baronne, commença-t-il d'une voix calme mais vibrante d'émotion, je suis profondément attaché à Camille. Depuis que je l'ai rencontrée, elle n'a cessé de m'émerveiller par sa force, son esprit et sa joie de vivre. » Il marqua une pause, cherchant le regard, avant de reprendre avec une sincérité mesurée. « C'est pourquoi, avec votre accord, j'aimerais avoir l'honneur de lui demander sa main. Mon engagement est simple, veiller sur elle, la soutenir dans ses projets et faire de son bonheur ma priorité. » Le baron, visiblement surpris, resta silencieux un instant, scrutant Victor avec une intensité presque intimidante. On devinait dans ses yeux une dualité. La joie de voir sa Benjamine aimée comme elle le méritait, mêlée à une pointe d'appréhension. Il croisa ses mains sur la table, prenant le temps de choisir ses mots avant de rompre le silence d'une voix grave. « Victor, je ne doute pas de la sincérité de vos sentiments, et je vois bien que Camille est heureuse à vos côtés. Mais avant de vous donner mon accord, il y a une question que je dois vous poser pour le bien de tous. » Victor redressa légèrement la tête, prêt à répondre avec honnêteté. Le baron poursuivit, le regard sérieux mais non accusateur. « Vos projets, votre avenir, incluent-ils Camille ici, avec nous, dans ce château ou bien ailleurs ? Vous avez construit une carrière admirable aux États-Unis. Dois-je m'attendre à ce que ma fille quitte sa famille pour vous suivre là-bas ? » La question, bien que posée avec bienveillance, pesait dans l'air. Camille, visiblement émue, ouvrit la bouche pour intervenir, mais Victor posa une main apaisante sur la sienne, signifiant qu'il souhaitait répondre lui-même. Il se tourna vers le baron avec une sincérité désarmante. « Monsieur le baron, je comprends votre inquiétude et elle est parfaitement légitime. J'y ai beaucoup réfléchi. Et je tiens à ce que les choses soient claires. Mon choix est fait. Je veux construire ma vie ici, avec Camille, près de vous et de ceux qui nous sont chers. » Il marqua une courte pause, ancrant ses paroles dans un ton résolu. « Les États-Unis ont été une étape importante dans ma vie, mais ce n'est pas là-bas que je me vois bâtir mon avenir. Avec votre accord, Camille et moi partagerions notre temps entre le Perche et Paris. Cela lui permettrait de rester proche de sa famille, moi de la mienne, tout en poursuivant nos ambitions personnelles. » Le baron resta silencieux quelques secondes, pesant les paroles de Victor. Puis il hocha lentement la tête, un sourire commençant à se dessiner sur ses lèvres. « Vous êtes un homme réfléchi, Victor. Je ne vous cacherai pas que l'idée de voir Camille partir loin de nous m'aurait peiné. Mais vous avez répondu avec honnêteté et cela me rassure. » Se tournant vers sa fille, le baron ajouta avec une tendresse mêlée d'émotion. « Camille, tu es la petite dernière et c'est un peu difficile pour moi de te voir grandir si vite. Mais si cet homme te rend heureuse, alors il aura non seulement mon accord, mais aussi ma bénédiction. » Les larmes aux yeux, Camille murmura un faible « Merci, papa. » Victor, rassuré et profondément ému, s'inclina légèrement en signe de gratitude. Le baron, sentant l'émotion envahir la pièce, reprit avec un ton plus léger « Maintenant, jeune homme, je vais vous poser une dernière question. Êtes-vous sûr d'être prêt à supporter une belle famille aussi excentrique que la nôtre? Ce n'est pas tous les jours facile de partager les passions d'un apiculteur fanatique et d'une jardinière obsessionnelle. » Un éclat de rire parcourut la table, dissipant la tension qui s'était doucement installée. Victor, avec une malice complice, adressa un sourire au baron avant de répondre « Monsieur le baron, après 5 ans à survivre sur des campus bondés, entre des colocataires obsédés par le baseball et des dîners de Thanksgiving, où la dinde farcie côtoyait des macaronis au fromage phosphorescent, je peux vous assurer que rien ici ne pourra me désarçonner. » Un nouveau rire chaleureux accompagna sa déclaration et l'atmosphère, désormais détendue, sembla s'illuminer. Sentant que le moment était idéal, Victor se leva lentement, puis, sous les regards intrigués, s'agenouilla devant Camille. Sortant une petite boîte en velours noir de sa poche, il l'ouvrit avec précaution, dévoilant une bague en or ornée d'un solitaire étincelant. Levant les yeux vers elle, sa voix vibrante d'émotion brisa le silence. « Camille, veux-tu m'épouser ?» La pièce sembla retenir son souffle, comme si même le bruissement des chandelles s'était suspendu, laissant place à l'intensité pure de l'instant. Le silence qui suivit fut intense, comme suspendu hors du temps. Camille, les yeux embués de larmes, ne répondit pas immédiatement. Ce n'était pas un silence d'hésitation, mais celui où l'émotion, trop grande pour être contenue par des mots, débordait de son regard. Finalement, elle hocha vigoureusement la tête avant de se jeter dans ses bras, incapable de parler. Dans cette étreinte pleine de promesses, Victor glissa doucement la bague à son doigt, scellant leur engagement sous les regards attendris de sa famille. Jeanne, les mains jointes, murmurait des mots de bénédiction, tandis qu'Adèle, émue aux larmes, souriait avec tendresse. Le baron, observant la scène, se pencha légèrement vers Jeanne pour murmurer « Eh bien, notre famille comptera bientôt une marquise. Victor, un jour, portera le titre de marquis, et je suis certain qu'il le fera avec autant de prestance que son père. » Victor, légèrement intimidé par cette perspective, répondit avec modestie, tout en tenant la main de Camille. « Je ferai de mon mieux pour en être digne, monsieur le baron, mais avant tout, mon plus beau titre sera celui d'époux de Camille. » Le jeune homme glissa ses doigts dans ceux de Camille et serra doucement sa main. Ce geste, simple, mais chargé d'une promesse intime, semblait contenir tout ce qu'il ne pouvait exprimer en mots. Pendant un instant, le monde autour d'eux s'effaça, ne laissant place qu'à eux deux et à cette promesse scellée devant témoin. Un murmure d'approbation parcourut les invités, et les regards se croisèrent dans une communion de joie sincère. Sous les lumières tamisées de la salle, ce moment semblait appartenir à un autre monde, où les promesses et les rêves prenaient forme avec une intensité presque palpable. Le baron, ému par tant de galanterie, se leva pour donner au moment une touche finale de solennité. Levant son verre, il déclara avec ferveur « À Victor et Camille, que leur mariage soit béni et leur apporte le bonheur possible. Et à nous, de nombreux petits-enfants. » Cette phrase fit bondir la baronne Jeanne qui roula des yeux. « Edmond, voyons, chaque chose en son temps. » dit-elle en poussant un petit soupir. Les vers s'entrechoquèrent dans une symphonie cristalline, et les regards bienveillants des portraits ancestraux sur les murs semblaient veiller sur cette promesse d'union. Victor et Camille, les mains entrelacées, se regardèrent avec une intensité qui illuminait toute la salle. Ce dîner marquait non seulement le début d'une nouvelle étape dans leur vie, mais un renouveau pour toute la famille baignée dans l'espoir et la promesse d'un avenir partagé.